Audiomatic. We'll be right back. arrière pour débuter cette transmission 117 d'Audiomatique avec la pièce Jardin de Cécile composée par le projet Juno Reactor pour son album Bible of Dreams paru en 1997. Audiomatique ne s'inscrit pas dans la mesure du temps. Les électronistes ont peine à adhérer à la mesure de la durée. Ils y sont enclins seulement si on consent à reconnaître que la mesure de la durée est en fait en proie aux perceptions. Nous n'avons de contemporain que la conscience du moment présent. Et ce moment présent est musique, n'est que musique, ne sera que musique. Cliché, vous direz? Non, musique. Have Audiomatique. Il s'agissait du projet de l'artiste américain Jeff Danos, soit le projet Test Tube, et sa composition Faux Vision de son album Covert. Et pour amorcer ce court segment musical, le duo allemand Warren Suicide nous offrait la chanson The Matter, édité ici par leur compatriote T. Rumschmeyer. L'intégrale de cette chanson est parue sur le troisième album de Warren Suicide, intitulé Requiem for a Missing Link. La version éditée que nous vous avons présentée, quant à elle, se retrouve sur le single de la chanson « Run ». C'est une séquence caractérisée par le style Deep House qu'on entame à l'instant avec le projet Recondite et la pièce titre de son nouveau mini-album Corvus. Thank you. écoutions la formation argentine Kamanchaka et sa pièce Yano, tirée de son plus récent album Aurora, paru en 2016. Et avant Kamanchaka, nous entendions Recondite, le projet de l'artiste allemand Lorenz Brunner, et la pièce-titre de son nouveau mini-album intitulé Corvus. À Audiomatic, les électronistes vous présentent à l'instant Lesbians on Ecstasy. Addiction, addiction, addiction, addiction, addiction, addiction, addiction, addiction, so hard. electrify and rock you, just when it feels right. So much flack. Your wife's gone and she's not coming back. Now she's gone forever. Now you wish you'd helped her pack.

Vous avez peut-être reconnu à Audiomatic la chanson de feu David Bowie, Looking for Water, réinterprétée ici par Carl Craig et Zoos of Berlin, pièce tirée de la compilation Life Beyond Mars, Bowie Covered. Tout juste avant, on avait droit au projet Autodrive mené par l'Allemand Robert Koch, qui collaborait avec le groupe Jacuzzi, duquel il fait également partie. Tout ce beau monde nous offrait la chanson Sir Your Wife, parue sur l'album Hiding from the Truth. Et pour débuter la séquence musicale, le groupe montréalais Lesbians on Ecstasy nous présentait la chanson Tell Me Does She Love the Bass, remixée par Frigid sous le nom Frigid's Heterosexual Mix. Cette version est parue sur la compilation Kink et la chanson originale, elle, est tirée du premier album homonyme de Lesbians on Ecstasy. Quand je dis premier album homonyme, c'était vraiment le premier album et non pas le premier album qui était homonyme, mais c'est le premier album de Lesbians on Ecstasy qui, par le fait même, était homonyme. Et précisons que Tell Me Does She Love the Bass est en fait une transposition de la pièce Like the Way I Do de Melissa Etheridge. Nous terminerons cette transmission 117 d'Audiomatic sur la musique de l'artiste péruvien Kuto Kiya. Celui-ci réinvente à sa façon le mix de la musique dub en y ajoutant des influences musicales de son pays d'origine ainsi que d'autres éléments plus contemporains. De son album Taki Onkoi Inadi Dub, nous entendrons dans quelques minutes la pièce Jayaya EZLN. Les électronistes désirent vous confirmer que le rendez-vous hebdomadaire habituel du mercredi 17h sur les ondes de 89.1 FM est toujours d'actualité et que la formule éprouvée d'Audiomatic sera conservée, c'est-à-dire une animation aseptisée afin de donner toute la place à une sélection de musique puisée dans le répertoire du genre électronique. Nous espérons donc vous y retrouver dans à peine 7 jours. Et d'ici là, nos espaces virtuels facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic poursuivent leur mission d'archivage des transmissions passées d'Audiomatic. Voici Kuto Kiya et la pièce Jaya Jaya EZNN. Bonne soirée. Bonne semaine et que l'année 2017 soit musicale. Surtout.